to resurrect, yo. Le mélan, yo. Mes rap frappe, yeah, yeah. Tu sais, yo, passe, yeah. Mes rap frappe, tape aussi fort que Tyson. Qu'est-ce que tu dis, yo, t'as pas de Tyson. Depuis, je t'assomme toujours en forme. J'espère pas cash me changer. En a grand, je veux rester. Le mange pas là pour changer. Mais si je fais le danger, au rap, je reste collé. Fais-moi spliff, puis je décolle. Je me rappelle à l'école. Je suis stallé en permanence dans ma tête. Au lieu de penser à penser mes asticots. Toujours prêt à fumer un G. Personne n'écoute ce que je dis. Mais dis que je sais pas de quoi je parle. C'est pas toi qui vis dans marre. À chaque jour de ta vie, le matin on se lève, on pogne le mic, on se couche. Encore right, c'est la pratique qui fait que je sonne tight. À chaque fois que je toujours right, je suis right pour moi, toi, ma femme et mes partners. Ceux qui reconnaissent, c'est pour ça que mes rap pèsent, yo. Là c'est pour fou que mes rap pèsent. Fais les wack dans leur face, you know. Yo, fuck that, mes rap rap. Je débarque pour mettre Québec sa map. Jamais je dérape, resurrect, te clap avec un arsenal de track. Fuck that, mes rap rap. Je débarque pour mettre Québec sa map. Jamais je dérape, resurrect, te clap avec un arsenal de track. Je lance mes lines comme des jabs. Il faut être le shit, mais fort comme si c'était pas grave. C'est ça qui me dérange, je rentre dans le combat. Hey, des skills comme Tora. Jamais vu équipé d'un doctorat. Matière hors de rue, ya. Je te laisse un aperçu de ce que tu vas recevoir. Attends, la réplique comme quick. Un gun clap à cette bitch. Mec gun c'est ma push. Les basses mon shit repousse pas chemin. Yo y'a trop d'or, fuck les venteurs. Ce qu'on tout, que je reste hardcore. Puis c'est comme un sport. Reste en forme, je mets ça tard comme une éclat. J'espère que tout est clair. Je fous la chienne quand tu vas je voir. J'ai trouvé des fakes sur ma trajectoire. Tu veux du fuck, tu vas en avoir. Resurrect est dans place, ça sent la victoire. Yo, yo, resurrect est dans place, ça sent la victoire. Tu veux du fuck, tu vas en avoir. Yeah, yeah. Fuck that, mes rap-rap. Je débarque pour mettre Québec, ça va. Jamais je dérape. Resurrect, te clap avec un arsenal de track, yo. Fuck that, mes rap-rap. Je débarque pour mettre Québec, ça va. Jamais je dérape. Resurrect, te clap avec un arsenal de track. Fuck that, mes rap-rap. Jamais je dérape. Resurrect, te clap. Un track. Arsenal de track, yo. Mes rap rap, je débarque pour Québec, ça map. Jamais je dérape, yo yo. Qu'un arsenal de track, yo. Fuck that.